au balado Dev et Pandore, produit en collaboration avec CKUT 90,3 FM. Ici Audrey Gosselin-Pellerin à l'animation, en compagnie de Florence B. Lepage. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leur savoir et leurs expériences. Eve et Pandore est également une émission sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les 3 mois dans le cadre de Hersey. Surveillez donc notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. Et on rappelle finalement qu'Eve et Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk Nonsense. Dans cet épisode, on se questionne sur les promesses et les limites du mouvement « Moi aussi ». 2014 avait vu apparaître le mot-clic « Agression non dénoncée ». Cette année, c'est « Moi aussi » qui enflamme les réseaux sociaux. Le mouvement de dénonciation a permis à de nombreuses personnes, de nombreuses femmes, de briser le silence et de réitérer l'importance de la lutte contre les violences sexuelles. On remarque toutefois que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont eu dans les médias la possibilité de partager leurs expériences de violences sexuelles. Plusieurs féministes ont également soulevé la nécessité de prendre en compte les réalités des femmes qui peuvent difficilement dénoncer en raison des obstacles systémiques auxquels elles sont confrontées. Donc Florence, on a demandé à deux militantes de nous partager leur réaction face à ce mot-clic. Oui, on a rencontré deux militantes qui nous ont partagé, comme tu as dit, leur réaction. Il s'agit de Marliane Lopez, agente de liaison au RQ Calax. C'est le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, les agressions à caractère sexuel, pardon. Elle est aussi vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Et on a également rencontré Nancy B. Pilon, auteure, enseignante et directrice du collectif Sous la ceinture, unie pour vaincre la culture du viol. On écoute d'abord la réaction de Nancy B. Pilon sur le mouvement « Moi aussi ». Contrairement à quand il y a eu, il y a 3 ans, là, le hashtag agression non dénoncée, je trouve vraiment que cette fois-ci, le « moi aussi » a eu une résonance puis un impact beaucoup plus grand. J'ai l'impression que agression non dénoncée, les gens qui utilisaient le hashtag, en fait, se mettaient beaucoup à nu, puis peut-être que ça a un peu fait peur à certaines victimes, peut-être, de l'utiliser, alors que moi aussi, ça pouvait être... ça englobait vraiment tous les gestes de violence à caractère sexuel, pas seulement une agression sexuelle ou un viol comme tel. Donc, c'était facile de juste faire un hashtag « moi aussi » sans expliquer nécessairement qu'est-ce qui s'était passé. Donc, autant que ce soit une parole déplacée, un geste déplacé ou vraiment une agression physique. Et puis, juste avec ce petit hashtag-là, j'ai l'impression que c'est ça, ça a fait comme un espèce de gros mouvement mondial où ceux qui n'ont pas été victimes s'est rendu la minorité. C'est le côté anecdotique de l'agression sexuelle a comme changé de camp, en fait, j'ai l'impression. Quant à Marliane Lopez, elle applaudit les mouvements de dénonciation, mais elle nous rappelle que certains groupes de femmes sont exclus. Moi, je pense que c'est très positif d'avoir des mouvements qui empower les femmes, spécialement dans les contextes de violences sexuelles. Et c'est positif d'avoir des plateformes où les survivantes puissent prendre parole et exprimer leurs sentis et partager leurs expériences. Donc, c'est positif. C'est juste qu'il faut qu'on n'oublie pas que ces plateformes sont pas accessibles à toutes les femmes. Il faut juste qu'on n'oublie pas ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est vraiment pour tout le monde, et ça, c'est pas vrai. Et ce n'est pas tout le monde qui fit dans ces genres de campagnes médiatiques de masse, et c'est pas tout le monde qui se sent inclus ou interpellé par ces grandes campagnes. Ce qui est dommage, c'est que les médias s'attardent beaucoup sur une groupe de victimes, un certain type de victimes, et ça a des effets sur l'imaginaire des gens. Donc là, quand on pense à une victime, on va penser à une victime qui est souvent blanche, d'une classe moyenne aisée, et on va pas penser que on trouve des victimes dans toutes les classes sociales, de toutes les races, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les identités des genres. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, parce que si on voit toujours victime équivaut à femme blanche, mais là, quand il y aura une femme en situation de handicap qui va dénoncer une agression sexuelle, on va avoir tendance à ne pas la croire, à douter de son expérience parce qu'on n'entend pas ce genre d'expérience. Marie-Anne nous rappelle que le mouvement « Moi aussi », en anglais « Me too », était à la base destiné aux personnes marginalisées et ce n'était pas un mot-clic. C'était pas un mouvement des réseaux sociaux, c'était pas un hashtag, c'était un mouvement qui était parti par une afroféministe qui s'appelle Tarara Burke. Et puis c'était vraiment destiné aux victimes qui se trouvent aux marges ou victimes de violences sexuelles qui viennent des communautés souvent marginalisées. Donc c'était pour leur donner une plateforme et leur dire... reconnaître que leur expérience est aussi légitime et pour leur dire qu'on vous croit. Plusieurs féministes soulignent donc que le mouvement « Moi aussi » est devenu massif lorsque des femmes blanches et privilégiées ont pris la parole sur le sujet. La parole des groupes minoritaires est ainsi effacée. Ce qui est souvent le cas, nous mentionne Marie-Anne. Ben, ça arrive beaucoup. On voit dans toutes les luttes, il y a malheureusement un effacement de la contribution de certaines personnes. Et au sein du mouvement féministe, malheureusement, il y a un effacement de la contribution des femmes racisées, des femmes autochtones, de pleines femmes qui ne sont pas majoritaires. Le mouvement exclut donc les groupes marginalisés. Marie-Anne donne en exemple les femmes autochtones et les femmes immigrantes pour qui la dénonciation n'est pas aussi facile. J'ai eu à contacter d'autres groupes qui aussi travaillent ces problématiques, dont Femmes autochtones de Québec. Et j'ai parlé avec une travailleuse et je lui ai demandé comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces mouvements-là, les femmes auprès duquel vous travaillez, comment est-ce qu'elles ont vécu ça? Et elle m'a vraiment confrontée à une triste réalité que les femmes autochtones en communauté vont pas lancer un hashtag pour partager leurs expériences de violence. Elles peuvent pas. Et ça relève aussi le fait que on parle pas juste des femmes autochtones. Il y a beaucoup de femmes beaucoup de personnes même qui peuvent pas, sans pas, en sécurité pour pouvoir faire ça. En termes de violence sexuelle, même au sein des femmes racisées, tu vas avoir de multiples expériences. Il ne s'agit pas d'essentialiser les femmes par rapport à leur identité raciale, mais c'est juste soulever les différentes expériences qui peuvent, qui arrivent. Mettons une femme immigrante ou une femme avec un statut migratoire précaire qui ne peut pas aller à la police parce qu'elle a peur de se faire déporter ou si elle est dans une situation de parrainage et la violence sexuelle vient de la part de son conjoint qui est en train de la parrainer. Il y a beaucoup de barrières systémiques qui font en sorte qu'une survivante ou une victime de violence sexuelle peut pas accéder à la justice, peut pas dévoiler. Donc, ces mouvements, même s'il se veut inclusif, il faut pas qu'on oublie qu'il y a des barrières systémiques au dévoilement qui sont multiples et il faut qu'on les prenne en compte. Parler de violence sexuelle, dénoncer les agressions, c'est toujours positif selon nos deux intervenantes, Marie-Anne Lopez et Nancy B. Pilon. Mais des changements de mentalité importants sont nécessaires pour éliminer la culture du viol. Comme n'importe quel mouvement ou comme n'importe quelle petite révolution, c'est toujours qu'est-ce qui se passe après. La première chose que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et penser qu'on va éradiquer la culture du viol genre d'ici l'année prochaine. Il y a des comportements qui sont inscrits vraiment dans notre mode de vie, dans la culture. C'est pour ça qu'on appelle ça la culture du viol, en fait. C'est vraiment parce que ça fait partie de la culture. C'est ce qui la rend si insidieuse, en fait, parce que c'est des petits gestes du quotidien dont on s'en rend pas nécessairement compte. Mais je pense que ça passe par la discussion, beaucoup. Puis par l'éducation, c'est sûr. Là, je pense qu'il faut miser vraiment sur les générations futures, en fait, parce que c'est quand même difficile de faire changer la mentalité des gens. À la suite d'agressions non dénoncées, Nancy Bépilon a voulu s'impliquer concrètement. Elle a créé et dirigé un collectif qui a publié un recueil de textes présentant différentes perspectives sur cet enjeu. Il s'intitule « Sous le silence, unis pour vaincre la culture du viol ». Elle souhaite qu'il serve d'éducation populaire et dans la même veine, Nancy réitère l'importance de l'éducation pour contrer la culture du viol autant à l'école qu'à la maison. Moi, je suis enseignante aussi à la base, puis on n'a pas d'outils là, au primaire ni au secondaire pour vraiment parler du sujet. Parce que c'est sûr que si on est éducatrice à la petite enfance ou qu'on est prof de maternelle de troisième, quatrième année, d'aborder le consentement sexuel, c'est on n'a pas besoin d'aller là, en fait. On peut aborder le consentement avec les gestes d'affection. Par exemple, si on est en visite chez grand-maman, puis que là, grand-maman veut un bec avant de partir, puis que notre enfant de 3 ans refuse de donner un bec à grand-maman, on n'est pas obligé de le forcer de donner un bec à grand-maman. Le comportement social acceptable est de saluer sa grand-mère quand on part, mais on n'est pas obligé de lui imposer un geste d'affection qu'il n'a pas envie de poser et qu'il n'a pas envie de recevoir. Et ça veut pas dire qu'il aime pas sa grand-mère, ça veut pas dire qu'il lui fera jamais de bisous, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, il a pas envie de le faire, puis c'est important de respecter ce non-désir-là, en fait, parce que sinon, ce que ça fait, c'est que ce que ça dit à l'enfant, c'est même si t'as pas envie de donner de l'affection à quelqu'un ou t'as pas envie de recevoir, ben t'as pas le choix parce qu'on te demande de le faire. Donc, il faut faire la différence entre les comportements qui sont socialement acceptables, par exemple saluer quand on part, et donner une marque d'affection. Donc, il y a plein de petites manières comme ça de faire apprendre le consentement sans parler de sexualité nécessairement, parce que c'est sûr que les tout-petits, c'est plus difficile à aborder, mais rendu au secondaire, on peut commencer à aborder vraiment les questions avec un contexte de sexualité consentante, en fait. Marliane, quant à elle, suggère de se servir de moi aussi pour s'assurer d'ouvrir les espaces de parole à toutes les femmes. Non seulement le RQ Calax vient en aide aux survivantes, mais la prévention est une partie importante de leurs actions. Il faut ouvrir des espaces pour que les survivantes des violences sexuelles puissent, toutes les survivantes des violences sexuelles puissent parler, puissent partager leurs expériences. Et quand on pense à des solutions, il faut qu'on se base sur les besoins des personnes qui sont les plus marginalisées et pas le contraire. Parce que si on se concentre sur les besoins des personnes qui sont les plus marginalisées, ça va bénéficier tout le monde. Mais si on se centre sur les besoins des femmes majoritaires qui peut-être font pas face aux mêmes barrières systémiques, ben là, ça va favoriser une certaine groupe, mais les retombées vont pas arriver jusqu'aux marges. Nous, on a 3 volets d'action. On travaille en offre du soutien, aide directe, on fait la prévention, on fait la défense des droits. Pour nous, c'est important de mener la lutte sur ces 3 fronts. Mais c'est sûr que la prévention est clé. Il faut commencer très tôt parce que on parle des problématiques qui sont systémiques. Donc, si on fait pas la prévention, on s'attaque pas à la problématique tôt, c'est à la fin, on va pas vraiment, on peut penser à des solutions ponctuelles, comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dénonce une agression, mais il faut comprendre que c'est des solutions durables qu'on a besoin, et ça, c'est vraiment la prévention. En tant qu'enseignante, Nancy remarque que les stéréotypes genrés sont moins présents chez les générations plus jeunes. Mais j'ai beaucoup d'espoir, en fait. Souvent, on va leur demander c'est quoi la différence entre les garçons et les filles, ou sinon, admettons, Lucie, c'est quoi la différence entre toi et Jacob, admettons, mais on va me répondre Jacob est meilleur au soccer que moi, ou moi, je suis meilleure en maths que lui, mais il n'y a pas de... Dans ma classe, en tout cas, j'ai jamais vu de différence, de dénonciation de la différence par rapport à les garçons valent plus que les filles, ou tout le monde ils se voient vraiment tous sur un pied d'égalité, encore présentement, en fait, à de mes yeux. J'ai bien espoir, en fait, dans la génération qui nous suit, les notions d'égalité m'ont l'air d'être plus acquises, en fait, que quand nous, on était là. Donc, les changements de mentalité, ça dépend aussi des actions du gouvernement et des fonds qui les accompagnent. En réaction à moi aussi, le gouvernement a promis une aide financière ponctuelle d'$1 million. Elle a été divisée en sommes variant entre 10 000 à 28 000 $ adressées à 47 organismes dans le but d'embaucher du personnel et d'ouvrir les heures de bureau pour répondre à la hausse des dénonciations. Donc, on remercie nos intervenantes et je tiens juste à préciser que j'ai fait une petite erreur. Le nom de l'ouvrage de Nancy Bépilon, c'est « Sous la ceinture » et non « Sous le silence uni pour vaincre la culture du viol ». Donc, merci Nancy Bépilon et Marliane Lopez d'avoir partagé votre point de vue sur le sujet. Voilà ce qui conclut cette édition d'Ève et Pandore. On espère que l'émission vous a plu. C'était Audrey Gosselin-Pellerin à l'animation en compagnie de Florence B. Lepage. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Ève et Pandore. Dans la prochaine balado, on revient sur un de nos sujets de prédilection, la santé sexuelle. On s'entretiendra avec Nesrine Bessaï et Lorraine Fontaine de la collective L'Accord féministe, qui planche sur un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe. À la prochaine, on a déjà hâte de vous retrouver.